On attend de l'alternance de soleil et de nuages aujourd'hui. Des vents jusqu'à 15 km à l'heure maximum. Moins 6, refroidissement moins 13. Ce soir et cette nuit, quelques averses de neige, accumulation de 2 cm. Minimum moins 15. C'était les informations. Monique Néron. Aujourd'hui à l'émission, on jase hyper-connectivité avec mes invités MC Gilles, le sociologue Guillaume Métier, et une discussion sans filtre sur notre rapport au téléphone intelligent et aux réseaux sociaux. Internet, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil, mais c'est devenu une prison. Ce qu'on a perdu avec Internet, c'est le temps de la réflexion. On n'a plus le sentiment, finalement, presque d'être humain. Bienvenue au genre humain. Merci beaucoup d'être là. Juste avant de plonger dans notre sujet du jour, qui m'emballe au plus haut point. Cela dit, je sors d'une déconnexion récente d'une dizaine de jours quand même et j'ai vu tous les bienfaits inimaginables et insoupçonnés que de laisser un peu le cellulaire de côté. Quand même, ça fait toute la différence. Nous qui sommes un peu prisonniers, comme on entendait, de cet outil qui est aussi formidable, bien sûr, et dont on a besoin dans notre vie quotidienne. Ce ne sera pas une émission aujourd'hui contre les réseaux sociaux et contre les téléphones intelligents. Au contraire, on va juste réfléchir à tout ça. Mais un mot pour vous dire que cet été, je vais animer une série de grands entretiens qui s'appelle « Du front autour de la tête ». On va recevoir des invités qui nous ont un peu inspirés du mouvement BRAT l'été dernier, souvenez-vous. Donc, des gens qui font preuve d'audace, mais à un autre niveau, là, qui osent, qui foncent dans le tas, qui n'ont pas peur de défier les règles, de faire valoir leurs idées, d'assumer qui ils sont et qui n'oublient pas d'avoir du fun aussi dans la vie à travers ça. Je pense que c'est un excellent remède au climat social actuel. C'est un antidote, notre antidote, pour retrouver foi en l'humanité au cours de l'été prochain. Et on va faire ça devant public. Donc, on vous invite à venir vivre ça avec nous en studio, avec nos invités. Vous allez être vraiment proches de vivre une expérience d'enregistrement radio, pas dans une grande salle, pas dans un espace public, mais bien en studio avec nous. Et on a des invités de rêve pour les prochaines semaines. Je pense entre autres à Michel Richard, qui sera des nôtres. Je pense à Marie-Carmen, qui a accepté aussi notre invitation. Jean-René Dufort sera là. Lisandre Nadeau et le chef, le plus brat en ville, Charles-Antoine Crête. Donc, pour venir vivre l'expérience avec nous, vous devez vous inscrire via le radio-canada.ca/dufront ou via la bulle de conversation. Vous pouvez nous écrire pour l'émission du genre humain, bien sûr, mais si vous êtes un peu perdu dans tout ça, là, envoyez-nous un petit courriel et ça va nous faire un immense plaisir de vous envoyer le lien pour que vous puissiez venir nous rencontrer et vivre l'expérience avec nous. Il est probablement le plus brat de mes collaborateurs depuis qu'il a accepté de se joindre au genre humain cette année. MC Gilles, salut! Oui, c'est un mot que je n'utilise pas parce que nous sommes de deux générations. Moi, de la vieille, ça doit vouloir dire sympathico-décalé. Mais ça veut dire comme s'assumer, avoir du fun, être sans compromis. Ouais, je pense que c'est ça. Ça te ressemble, c'est ça. Moi. Ça peut pas être plus moi que ça. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, on va quand même jaser de ton expérience avec les internets. Oui. Ben écoute, j'ai écrit un texte là-dessus dans juste les co-op. Avant Noël, hein? Ouais. Dans les co-op de l'info pour dire aux gens. Écoute, je commençais lentement. Là. Il y a 365 jours dans une année, parfois 66. Et je leur ai dit une fois dans l'année, le temps des fêtes, au moins le 24 au soir et le 31 au soir, on prend son téléphone, on le met dans un panier. Et on ne l'utilise pas pour se créer des souvenirs. C'est pas vrai que si vous ratez la vidéo du petit écureuil sur Instagram le 24 au soir, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Non. Tandis que grand-maman, grand-papa, vos cousins, cousines, ce qu'on vivait quand on était jeune, vous c'est et moi... C'est ça qui va rester. Qui va rester. On va en parler tantôt de tout ça. Voilà. Puis on va aussi parler de ton rapport qui a évolué aussi avec les commentaires et avec tes publications sur Internet. Merci d'être là, MC, à tantôt. Et ma désintox que j'ai fait comme toi. Aussi, absolument. À tout de suite. Le temps de vous présenter cette discussion qu'on a eue avec trois citoyens. Et il y a Pascal, entre autres, qui est débarqué en studio avec un artefact, c'est-à-dire un flip phone. On était plusieurs et nombreux à ne pas avoir vu ça depuis des années quand même. Et on avait envie d'avoir cette discussion-là. C'est la prémisse de départ de l'émission. Est-ce que vous trouvez qu'on est trop connecté? Quel genre de relation vous avez avec votre téléphone cellulaire, avec les réseaux sociaux également? Et je suis convaincue que vous allez vous identifier soit à Gabriel, soit à Jean-François ou à Pascal. Là, je viens de voir votre flip phone. J'avais hâte. C'est merveilleux. Et là, attendez, là, je vais me gâter, OK? Attendez, je vais faire comme, jamais comme à l'époque. À faire des photos qui avaient de la loupe. Quand j'avais un mauvais appel, là, la force du clap. Ah, ouais. Donc, moi, je m'appelle Gabrielle, j'ai 24 ans, et ma relation avec tout ce qui est Internet, cellulaire, c'est à la fois quelque chose de super amusant pour moi, je connecte full avec plusieurs personnes, j'adore ça, puis à la fois, j'aime sentir que je suis pas dépendante, puis ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu plus. Moi, c'est Jean-François, j'ai 51 ans, je viens du monde grossièrement marketing, publicité, communication, ces choses-là. Le rapport avec le téléphone, c'est mi figue, mi raisin. Je dirais. C'est un plaisir et une souffrance à la fois. Pascal, alors j'ai 62 ans. Je suis travailleuse autonome, donc je passe ma vie devant mon ordinateur. Finalement, je travaille chez moi en rédaction et traduction. Et en dehors de ça, j'anime des événements de poésie. Donc, j'utilise énormément les réseaux sociaux pour organiser mes événements. Et fier propriétaire d'un flip phone. Oui! Gabriel, ça ressemble à quoi la relation avec le téléphone? Déjà, je vois que c'est un iPhone. Oui. OK. C'est un iPhone. Il est intelligent. Il est super intelligent. Et vraiment. Temps d'écran, ça ressemble à quoi pour vous? Ça ressemble à 4 heures. Fait que c'est ça, je m'informe beaucoup, beaucoup sur mon cellulaire. Je pense que c'est ça qui crée peut-être une certaine dépendance. Il faut comme rester connecté pour être connecté à juste comme ce qui se passe dans la société en général. Tu sais, mettons, là, en ce moment, tout ce qui se passe dans le monde, on veut savoir tout. Fait que moi, j'ai les notifications là, qui me pop toute la journée. Ça ressemble pas mal à votre quotidien. Oui, c'est okay. Ça. Puis à la fois, moi, je fais beaucoup d'impro, puis on crée beaucoup d'événements pour aller chercher du public. On passe par Facebook, Instagram. On essaie d'avoir beaucoup, tu sais, d'activités pour avoir des abonnés, puis tout ça. Puis, je pense que je réalise que dans une ère où on essaie d'aller toucher tout le monde en même temps, il y a quelque chose de plus impersonnel que de juste inviter quelqu'un personnellement. Tu sais, mettons, je réalise que d'inviter 30 personnes comme massivement sur Facebook... Quand on fait un événement, là, oui, une page un événement, d'événement, exact, là, ouais. OK. C'est peut-être moins efficace d'inviter 30 personnes massivement que d'inviter personnellement des gens, d'écrire à mon ami « Hey, salut Lydia, est-ce que ça tenterait de venir voir mon match? » Puis, ou même pour des anniversaires, des gros événements, j'ai l'impression qu'on a, en tout cas moi, je sens que j'ai ce besoin-là, d'avoir comme un contact plus one-on-one ou plus personnalisé, même avec comme mes amis ou les gens proches de moi. Je pense qu'il y a comme un besoin de revoir ce contact-là plus personnel. Personnel. Vous parliez d'improvisation, d'événements. Ouais. Est-ce que se couper, par exemple, de Facebook ou des réseaux sociaux, c'est une option ou dans les faits, ce serait un frein à l'environnement social, à la vie sociale carrément? Je trouve que le droit de réclamer de plus être sur les réseaux, oui. Mais à la fois, je pense que oui, ça te déconnecte d'une certaine communauté. En tout cas, moi, pour ma part, je trouve que... Ce serait pas une option tant que ça. Non, ce serait pas une option. Ouais. Puis, en fait quelque chose de très confrontant. Oui, c'est super confrontant. Personnellement, le truc, surtout présentement, actuellement, c'est que je trouve qu'il manque d'options. J'aimerais vraiment ça, puis avoir Instagram, puis plus avoir Facebook. Mais j'ai l'impression que je peux pas aller sur d'autres applications. Jean-François, ouais. Vous êtes propriétaire d'une agence de marketing. Qui dit marketing, agence, dit inévitablement devoir travailler avec Internet et surtout avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand on se questionne à ce point sur son utilisation personnelle? Oui, il y a des stratégies là-dedans, là, t'sais, pour maximiser l'entrepreneurship. Là. C'est bien le fun, c'est cute, mais... Je trouve que c'est intrusif. Ces gens-là savent beaucoup plus que nous, avec des belles statistiques, là, qu'est-ce que je mange, où ce que je vois, à qui je parle, c'est quoi mes pensées, qu'est-ce que je magasine, qu'est-ce que je suis en train de rénover chez nous. Ils en savent plus que moi sur moi-même. Ça vous achale. Ça m'achale. Ça a commencé à vous achaler quand? Parce que là, je comprends que ça a été une évolution. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Puis en même temps, on parle de l'appareil, tu sais, le téléphone. C'est comme les chiens, tu regardes le propriétaire pour savoir comment que le chien agit. Mais le téléphone, c'est la même chose. Tu sais. C'est juste le messager, ça. C'est juste une plaque noire qui se connecte à des choses. Mais qu'est-ce que tu mets dedans, toi? C'est notre responsabilité. T'sais. On et peut pas dire que le téléphone, en fait. Ouais. C'est ça. Fait que ça reste l'objet. Est-ce que pour vous, c'est parce que c'est ça pour bien des gens, l'extension de votre votre main droite ou gauche. Je ne sais pas si vous êtes droitier ou gauche. Je suis ambidex. Fait que oui, c'est une extension. Okay. Toute notre vie s'articule quasiment autour de ça. T'sais. Je dis tes rendez-vous, tu prends le GPS pour te rendre à quelque part, va te dire à quelle heure partir, à quelle heure arriver. T'sais, tout, t'sais, c'est la prise en charge de notre vie où on tombe dans la facilité. Vous dites c'est allé trop loin, trop vite. Oui. Ah oui. Beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, là. Avec quel impact? Pour l'ensemble des médias sociaux. Pour tout le monde, pour dans nos vies. Ben, ça fait qu'on vit dans une vie comme aujourd'hui. Moi, je considère qu'on est tous des silos individuels et qu'on est pris dans nos chambres d'écho, dans des tunnels. Pascal, je vous qualifierais de la résistante du groupe. vous avez décidé de vous distancer de tout ça. Vous utilisez quand même Facebook, mais en quoi vous êtes une résistante? Ben d'abord, j'ai pas de téléphone intelligent. Comme je dis toujours, j'en avais pas besoin. J'étais déjà intelligente. C'est bien dit. En fait, c'est que moi, je passe ma vie devant mon ordinateur. Je travaille à la maison et ma page Facebook est toujours ouverte, dans le fond. Donc, j'y passe quand même énormément de temps. J'y vais à mes pauses. Mais le reste du temps, elle est ouverte quand même. Mais au moins, quand je sors de chez moi, ben, je n'ai qu'un flip phone. J'ai pas de téléphone qui permette d'aller sur Internet. Donc, c'est drôle parce qu'à chaque fois, j'éprouve un sentiment de libération. Parce que malheureusement, Internet, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil. Mais c'est devenu une prison. On est tellement bombardé d'informations tout le temps. Ce qu'on a perdu avec Internet, c'est le temps de la réflexion. Personne nous donne le temps de réfléchir à ce qu'on avale, à ce qu'on gobe, et ça devient étourdissant. On n'a plus le sentiment, finalement, presque d'être humain, ou en tout cas de penser, de réfléchir à ce qui nous est donné comme information. On est bombardé sans arrêt. Comment réagit votre entourage? Est-ce qu'ils sont bien avec ça? Vous avez une fille de 27 ans qui, elle, est un petit peu plus surstimulée et connectée que vous, de ce que je comprends. Beaucoup plus, Vous n'avez pas le même rapport aux réseaux sociaux et à l'utilisation du web en permanence dans sa poche. Mm-hmm. Ça crée quoi, ça, dans une dynamique avec votre entourage? C'est plutôt bien accueilli, en général. La plupart de mes proches sont plus jeunes que moi. Donc, ils ont tous des téléphone cellulaire comme ça, dont ma fille, évidemment. Mais autrement, j'ai appris à vivre avec ça, avec le fait que autour de moi, les gens sont tout le temps en train de pitonner puis de regarder leur petit écran. Puis bon, j'attends qu'il est fini puis que ça intéresse à moi. mais donc, c'est ça, vous êtes la personne qui n'a pas le nez constamment, la tête, le cou baissé sur son téléphone. Mm-hmm. Mais vous observez les autres. Oui. On a l'air de quoi, de l'autre côté? D'être pas mal dépendant. Oui, hein? Mm-hmm. Ouais, c'est l'effet que ça me fait. Tu sais, il y a un petit ding, là, la fameuse petite notification. Tout de suite, on sort le cellulaire. C'est comme si c'était... C'est comme une décharge électrique, hein? Quand ça sonne, notre ding... Exactement. C'est comme s'il avait tellement peur de manquer de quoi d'important. Et 9 fois sur 10, c'est pas important. C'est n'importe quoi, là. Est-ce que vous avez un certain FOMO, la fameuse fear of missing out, la peur de manquer quelque chose parce que vous êtes moins connecté? Plus du tout. Plus maintenant. Okay. Non, peut-être plus au début. Je dois dire que j'ai une relation d'amouraine avec l'Internet, les réseaux sociaux, parce que, moi, je suis une femme trans. J'ai amorcé ma transition très tard, à 50 ans. Et les forums trans m'ont beaucoup, beaucoup aidé à comprendre qui j'étais et à m'assumer. Donc, je peux pas dire, je pense même qu'ils m'ont sauvé la vie, ces forums-là. Ça, c'était avant Facebook, avant tout ça, là, avant les réseaux sociaux, il y avait des forums. Et ces forums-là m'ont vraiment énormément aidé à débrouiller un peu mon esprit, à comprendre qui j'étais, pourquoi je me sentais si mal et pourquoi j'avais besoin d'un changement radical. On parlait de chambre d'écho tantôt, mais il y a ça quand même de très bon, d'être capable aussi de d'avoir des modèles, de se reconnaître, de se retrouver aussi. Certaines communautés plus marginalisées vont trouver du réconfort, beaucoup aussi. Tout à fait. Et encore maintenant, je me suis constitué des réseaux grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux. J'ai une vie sociale qui repose beaucoup là-dessus. Mais vous êtes la preuve vivante, Pascal, que c'est possible d'avoir cette connexion-là, d'utiliser les réseaux sociaux de façon raisonnable et saine, puis pas être obligé d'avoir le téléphone toujours au bout des doigts. Là. Mm-hmm. C'est ça là, qui est intéressant dans votre utilisation personnelle. Jean-François, vous êtes connecté par obligation, on l'a dit un petit peu plus tôt, avec le travail. C'est très confrontant pour vous, visiblement. Est-ce que vous yeutez le flip phone de Pascal? Oui, mais j'aime pas son modèle, il est trop laid. Mais non, sérieusement, c'est une blague gratuite, là, mais je veux dire, moi, ce que j'aime, c'est les nouveaux flip phones. Tu sais, ceux qui sont là. Vous les yeutez pour vrai, là? Ah, vraiment, là, ça coûte 500-600$, mais c'est un flip phone qui est dégagé de tout. Il y a à peu près la même largeur qu'un téléphone mobile d'aujourd'hui. Là. Mais il est flip, mais là-dessus, tu as juste l'essentiel. Tu as téléphone, GPS, donc tu peux mettre ton GPS pour te rendre, non, ça prend des photos, mais tu n'as aucune intrusion. T'sais, il est fabriqué pour avoir aucune intrusion. Je pense que ça rejoint peut-être le côté rébellion, dans le sens que c'est pas vrai que tu vas venir me voler mon humanité, mes pensées, tout ça, gratuitement, en échange de « OK, j'ai fait 2-3 likes, j'ai publié une photo, je suis fier de moi. » Je trouve que le prix à payer est décalé, tu sais. Vous avez peut-être qu'un futur résistant, là, ici, à vos côtés, Pascal, ça se peut, là, qui embarque. Ouais. Parce que vous avez même pensé, sauf erreur, changer de carrière. Oui. Ah oui, c'est loin, un combat éternel. Là. Vous êtes père de 3 enfants. Jean-François, 21, 12, 9. Est-ce que ça vous préoccupe, ça, cet aspect-là, pour eux? Ce qui me préoccupe, c'est leur équilibre mental, d'abord. Et puis, leur façon de naître dans cette société. Mm-hmm. Donc, c'est l'identité profonde qui vont se développer. Là, ton identité, est-ce que tu vas la développer sur les photos que tu as faites puis que tu as publiées ou les textes, ou ben non, tu vas la développer par l'intégration d'une connaissance puis d'une recherche puis d'une émancipation qui part de l'intérieur. Ça me préoccupe énormément. Énormément, c'est ma priorité numéro un. Moi, j'ai vraiment remarqué au niveau de tout ce qui est comme concentration longtemps, dans mes cours à l'université, dans les cours super magistraux, j'étais plus capable à un moment donné de rester concentrée. T'sais, on est tellement habitué à OK, un zoom ici, on change d'angle, on voit ça. T'sais, on est très, très stimulé, il se passe beaucoup de choses visuellement. Tu t'ennuies, tu scrolles, il y a autre chose qu'on te propose, que tu n'as pas choisi, mais que tu vas sûrement aimer. Puis, je parlais de ça avec mes amis, puis on se retrouvait dans un moment où, pour nous redonner un peu de l'énergie, un peu comme aller fumer à la pause, pendant le cours, on était sur notre ciel juste un peu pour se réveiller. Pour se restimuler. Car on revenait au cours, puis je trouvais ça tellement inquiétant. Tu sais, on se voit aller en même temps, puis c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, même si le cours m'intéresse, même si c'est important, mon cerveau, là, à un moment donné, il va... Comme... On n'est plus bon pour s'ennuyer. Hein? Ça fait partie quand même. Je pense que oui, ça, je l'ai vraiment remarqué. Quand on fait une petite déconnexion quelques jours à peine, puis on se rend compte qu'on ne sait plus comment s'occuper. On revient de loin. Ce qui est terrible aussi, Gabriel le mentionnait tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus vraiment le choix. On peut plus. Moi, j'ai songé à fermer ma page Facebook. Mais si je ferme ma page Facebook, j'ai plus de vie sociale, j'ai plus de vie artistique, j'ai plus de vie militante parce que je milite en tant que femme trans, j'ai pas le choix. Et qu'est-ce qui me reste? Moi, je travaille chez moi, je suis très solitaire, je suis toujours seule. Alors, autant aller vivre dans une grotte dans le fond d'un bois. Mais oui, ça a été fort intéressant de discuter de ce sujet important. Plus que jamais. Avec vous trois, Gabriel, Jean-François et Pascal, merci d'être passés nous voir. Merci à vous. Vous pouvez rallumer vos téléphones. C'était quand même quelque chose de nous voir réagir à cet artefact que représente le flip phone de Pascal. Une discussion pertinente, je pense, et on va continuer l'émission sur cette vague-là parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit comprendre. On a l'impression qu'on parle souvent des écrans, de leur impact, mais c'est quand même une situation qui évolue sur, justement, les impacts sur notre corps, sur notre santé mentale, celle des adolescents, des enfants aussi, mais aussi ça évolue d'un point de vue légifération. Il y a une commission spéciale en ce moment sur les impacts des écrans et réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. D'ailleurs, les citoyens ont jusqu'à la fin du mois de mai cette année pour partager des témoignages, pour prendre part à cette discussion importante. Et c'est ce qu'on va continuer de faire, nous aussi, aujourd'hui, pour alimenter la réflexion. On va leur envoyer la cassette de l'émission aujourd'hui. Et pour poursuivre cette discussion, Caroline Campeau est chargée de cours en promotion de la santé et en prévention des dépendances. Elle est actuellement au doctorat en sciences de la santé sur la déconnexion chez les adolescents à l'Université de Sherbrooke. Elle a aussi participé à la conception du site web Pose ton écran, qui propose justement des trucs pour mieux comprendre notre rapport aux écrans, des trucs qui peuvent servir autant aux jeunes qu'aux adultes. Bonjour, Caroline Campeau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venue nous rendre visite en studio. Je parlais donc de cette commission spéciale qui est en cours présentement. Il y a eu des audiences d'ailleurs au cours des derniers jours. On parle donc d'un enjeu. Hein. Souvent, on rappelle la notion nocive des écrans. On voit des pays qui légifèrent, qui interdisent l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs. On pourrait dire quoi sur les connaissances scientifiques les plus récentes de l'impact de l'hyperconnectivité sur nos cerveaux, sur nos corps? C'est assez vaste. On va dire que de plus en plus, en fait, il y a un cumul d'associations donc entre le temps d'écran et différents indicateurs de santé ou différents effets là, négatifs potentiellement. C'est sûr qu'il y a des bienfaits, on n'en parlera pas parce que je pense qu'on est conscient, ça facilite la vie, il y a des avantages. Mais c'est ça. D'un point de vue, si on pense physique, on a la posture, juste la manière qu'on se tient quand on a la tête penchée avec notre cellulaire, ça peut causer des douleurs. Le cou, là, les épaules ou des épaules, entre autres. Oui, exactement. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, notre tête est pesante. T'es penché par en avant. On peut... Les mains? Oui. Les tunnels carpiens, les pouces. Des fois, on se rend compte qu'on a, on a des douleurs aux mains. Je parle pour une amie. Oui, il semble qu'il y avait aussi là, un syndrome en lien avec le pouce et le fait là, de texter finalement là, continuellement, sans arrêt. Donc, la manière qu'on place notre corps, tout simplement la sédentarité, le fait que les activités sont de plus en plus... et on est immobile quand on utilise nos écrans, on est inactif. Et donc, on en vient à remplacer du temps qu'on passerait à faire des choses de façon active par la sédentarité, c'est ça. Les yeux rivés sur nos écrans. C'est... Troubles de vision et tout ça qu'on parlait aussi. Oui, c'est juste avant d'entrer en onde, on disait qu'on passe évidemment plusieurs heures devant un écran. On peut avoir l'impression d'avoir l'intérieur des yeux qui surchauffe un peu. Là. Ouais. Ben, c'est ça, puis il y a des liens. Ben, le globe oculaire. La sécheresse oculaire aussi, c'est ça. Exactement. Ou des troubles de vision, même au niveau de la maturation de la vision chez les enfants. C'est un enjeu assez important aussi. Et la myopie, en fait, il y a des associations aussi à ce niveau-là. C'est une question qu'on pose souvent. Je ne sais pas s'il y a une réponse encore à ce jour. À partir de combien de temps d'écran par jour ou de quel indicateur on peut parler d'une dépendance numérique? Bon, de la dépendance d'un point de vue clinique, il faut vraiment qu'il y ait une accumulation de conséquences significatives dans la vie de la personne. La personne a tenté de reprendre le contrôle à maintes reprises et n'est pas capable. Donc, c'est beaucoup plus... oui, ça peut-être, on peut se dire, un pourcentage assez important, peut-être 75-80% du temps libre qui est dédié aux écrans et la préoccupation constante de retourner vers les écrans. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, ça demande... C'est sûr, si on s'inquiète, on peut aller chercher de l'aide. Ça demande une évaluation beaucoup plus complète là, de qu'est-ce que aussi est fait sur les écrans, ça sert à quoi, quel type de contenu, quel type d'activité, puis comment ça vient aussi interférer là, dans les fonctions de la personne. Là. Et dans la vie quotidienne, parce qu'on peut être beaucoup sur notre téléphone, sur un écran, par exemple, on se dit, bon, c'est des habitudes de connectivité qui sont peut-être moins saines, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une dépendance. Non, exactement. Puis il y a des effets aussi là, que je n'ai pas nommés au niveau psychologique, l'estime de soi, la comparaison, finalement, qu'on va, les contenus auxquels on est exposé, la satisfaction. On en parle beaucoup pour les adolescents, justement, hein, ça a un impact concret. Exactement. Et ça ne veut pas nécessairement dire que cet adolescent-là est dépendant à son écran, mais les risques et les effets émotifs aussi, ils sont très réels et peuvent l'affecter. Là. Donc, il y a des risques, finalement, là, qui sont présents également. On a beaucoup parlé dans l'actualité du cellulaire dans les écoles. Ça a fait la manchette beaucoup au cours de la dernière année. Est-ce qu'on a pu démontrer qu'un cellulaire en classe ou qu'un cellulaire à l'école a des effets, par exemple, sur la concentration, la mémoire, sur le parcours scolaire? Oui, sur la mémoire de travail, sur la performance scolaire de la personne qui l'utilise et aussi des gens qui sont témoins, en fait, de l'utilisation. Donc, il y a vraiment des méta-analyses qui ont été faites. Si moi, je n'ai pas mon téléphone dans les mains, le simple fait, par exemple, que quelqu'un d'autre dans la classe en ait un, ça a un impact sur moi. Oui, quand la personne le sort, donc déjà là, cette personne-là aussi va penser à qu'est-ce qu'elle est en train de manquer sur ses écrans, qu'est-ce que potentiellement pourrait être en train de regarder. Et là, l'attention, ça fait compétition, en fait, à l'attention qui est censée être sur l'enseignante et l'enseignante, quoi, et les apprentissages, là, finalement. Donc, c'est sûr que ça favorise pas un environnement d'apprentissage. Ça, puis les notifications, hein, les fameuses notifications qui détournent sans cesse notre attention. Donc, ça aussi, ça peut jouer sur la concentration et la capacité de rétention d'informations. Oui, tout à fait. Et en fait, j'ai participé à l'Assemblée et c'est une chose que je mentionnais parce qu'on a, depuis, il y a une loi qui a passé, donc c'est vraiment interdit d'avoir des cellulaires pendant les heures de classe. Sauf que dans certaines classes, ils vont juste demander à ce que l'enfant ou l'adolescent le mette dans ses poches. Et dans mes poches, je peux avoir la vibration. Donc, ça peut vibrer. On a, si la personne ne ferme pas ses notifications, ça peut vibrer à chaque 5 minutes. Et à ce moment-là, ça détourne l'attention. La personne repense à ce qui est en train de se passer derrière son écran. Qu'est-ce que je suis en train de manquer? C'est ça. Donc, ça, c'est un enjeu important là, dans tout ça. Ça fait 2 fois que vous le mentionnez. Le fameux, on parle du FOMO, là, le fear of missing out, l'impression qu'on est en train de rater quelque chose. Ça prend énormément de place. Oui, tout à fait. Puis ils misent beaucoup sur ça aussi, hein, sur nos réseaux sociaux. Dans le fond, nous rappeler ce que les gens font, les événements autour, les événements auxquels nos amis participent. Donc, c'est très axé sur toutes les choses qu'on pourrait potentiellement être en train de manquer si on n'est pas connecté en tout temps. Donc, c'est pour ça qu'on veut l'être le plus souvent possible et c'est là où ça cause certains enjeux de temps. Pose ton écran, sert à ça, entre autres, à sensibiliser, à démocratiser, à informer aussi la communauté numérique sur les impacts, les risques et tout ça pour avoir une utilisation le plus saine possible, bien sûr, des réseaux sociaux et d'Internet en général et nos outils de connexion intelligente. Déconnecter, est-ce que c'est une fausse bonne idée ou ça a un réel impact de prendre des pauses, là? Oui, tout à fait. Alors ça, je m'intéresse beaucoup en fait à la déconnexion comme expérimentation, puis aussi se familiariser avec différentes stratégies et la place que ça occupe finalement dans notre vie. Donc des fois, de prendre un temps d'arrêt, ça permet cette vision-là. OK, comment c'est intégré? Qu'est-ce que ça vient peut-être remplacer? Et est-ce que vraiment j'en fais un usage qui est bénéfique pour moi? Et donc la littérature en fait s'intéresse aussi à ça. Et pour devenir, il y a des bienfaits là, qui sont démontrés, même d'un 24 heures, tout simplement pour devenir un utilisateur plus conscient et plus averti de ses propres habitudes et aussi en venir à fixer des objectifs en fonction là, finalement de ce qui est bien et ce qui est mal pour moi ou ce que moi je préfère ou je priorise dans ma vie. Et donc, ça permet cet espace, cette réflexion-là. C'est comme avoir un pas de recul par rapport à notre utilisation. Déjà, c'est bien de le constater. Exactement. Est-ce que ça brise aussi les habitudes de on dit scroller ou faire défiler là, en français pendant des heures? Moi, j'entends beaucoup ça en ce moment, des gens qui disent « je devrais déconnecter parce que je perds un temps fou, des heures et des heures. » Et finalement, je me rends compte que j'ai rien fait, que j'ai perdu mon temps puis que ça m'achale. Donc, les gens sont conscients qu'ils n'aiment pas ce comportement-là, mais ils font quand même parce que c'est plus fort qu'eux. Mm-hmm. Puis on a des jeunes, en fait, participants aux 24 heures pause qui nomment avoir réalisé le temps qu'ils avaient. Donc, avoir dans cette journée-là eu plein de temps. Exactement, pour faire autre chose. Donc, des fois, on se dit, oh, j'ai pas le temps pour ça, mais est-ce que j'ai réellement le temps de scroller autant que ça? Donc, ça fait réaliser, en fait, la place peut-être qu'on donne sans se rendre compte et briser un peu comme ce que vous avez mentionné, les automatismes. Donc, on en vient à développer des réflexes que les développeurs de ces appareils, de ces applications-là veulent qu'on ait. Et donc, est-ce qu'on peut briser ça et voir, OK, là, j'ai envie de me connecter pourquoi? Ben, pour rien, dans le fond. Non, je veux juste aller regarder, juste parce que c'est présent et ça vient nous informer par rapport à ça. Comme on entendait dans le reportage, on a un peu perdu cette capacité-là de perdre notre temps ou de quand on attend, là, une file d'attente, par exemple. Je me souviens, j'avais fait une période de déconnexion à un moment donné, puis j'étais dans la voiture, j'avais pas donc accès aux réseaux sociaux ou au web et tout ça. Puis là, je me disais, OK, je fais quoi quand j'attends comme ça que quelqu'un revienne? Bon, on observe notre entourage, mais on n'est plus habitué à ça, de juste comme rien faire. Non, exactement, d'apprivoiser l'ennui, en fait. On en a parlé, c'est ça, on en a parlé. Et il y a des bienfaits, en fait, au niveau de la créativité, même la résolution de problèmes, de situations qu'on vit dans notre vie. Et d'y penser dans ces moments-là, c'est là que ça se passe souvent. Il y a une richesse, en fait, par rapport à ça. Et la stimulation, on est à la recherche de... Des fois, c'est sûr qu'il y a un inconfort qui vient avec ça. Si je me dis, là, aujourd'hui, je vais me familiariser avec l'ennui, je ne vais pas me sentir super bien au début. La première journée, ça peut être difficile un peu, là, oui. C'est ça, il faut faire avec d'une certaine façon, parce que c'est venu remplacer ces temps de réflexion-là, en fait, qui sont riches. Il faut essayer de les ramener. Est-ce que c'est toujours... C'est juste de poser la question. C'est toujours toujours nécessaire? C'est toujours urgent? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être en train de le regarder ou même de toujours l'apporter avec moi? Donc, déjà, de faire l'essai, ça peut permettre d'installer une certaine distance. En terminant, c'est évidemment un grand chantier, là, tout ça, une grande réflexion. Il faut faire la guerre au FOMO, à la fear of missing out, comme on disait tout à l'heure, l'impression de manquer quelque chose. Comment concrètement, comme parents, on peut aider nos enfants à leur montrer le bon exemple? Être un modèle, j'imagine. Oui, mais c'est ça. La base, en fait, le numéro un, c'est de penser à ses propres habitudes, d'évaluer ses propres habitudes et de se dire, OK, si je dis de lâcher son écran, mais est-ce que je suis, moi, constamment sur mon écran pour des raisons de travail ou des raisons qui me semblent plus raisonnables, mais de se poser des questions par rapport à ça. Et aussi de prendre l'habitude de parler d'équilibre numérique, de l'importance, dans le fond, de faire des activités qui sont déconnectés aussi. Donc, ça peut être une fois de temps en temps, on fait une activité, et on met de côté nos écrans. Donc, même si eux n'ont pas nécessairement de cellulaire, ce sont des petits-enfants, ils vont voir l'importance de temps en temps mettre ça de côté parce que ça peut devenir envahissant. Donc donner l'exemple et être conséquent avec ce qu'on dit aux enfants. C'est tout à fait logique. Merci beaucoup, Caroline Campo, de votre présence au Genre humain aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir. Caroline Campo est chargée de cours en promotion de la santé et en prévention des dépendances, actuellement au doctorat en sciences de la santé sur la déconnexion chez les adolescents à l'Université de Sherbrooke. Vous écoutez Le Genre humain avec Monique Néron sur ICI Radio-Canada, première. Mon prochain invité est l'auteur de l'essai « La ville analogique » qui est paru chez Atelier 10 en 2022 et qui propose une réflexion fort pertinente sur ce qu'on souhaite comme connexion humaine dans nos villes, dans nos milieux de vie, dans une ère où l'univers numérique, on le sait, prend à peu près toute la place. Il est sociologue, professeur en théorie de la ville au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Guillaume Métier, bienvenue au Genre humain. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, et pour moi aussi, tiens, par le fait même, comment on peut définir ce que ça veut dire qu'une ville analogique? C'était un terme que j'avais proposé pour l'essai, puis c'était le bien de la réflexion. Puis mon point de départ était que on a vu notre vie, nos espaces publics se déplacer vers la sphère numérique en quelques années seulement. Puis je voulais prendre acte de ça en disant, bon, maintenant que c'est accompli, on devrait peut-être partir de ça comme base, finalement, pour réfléchir désormais à ce qu'on veut comme milieu de vie en réalité. Tandis que donc l'espace public se passe en ligne. Alors, une anecdote que j'utilise dans le livre, c'est de dire, si on passe toute la journée à la maison sur son ordinateur, à échanger des messages, lire des nouvelles, acheter des trucs. Faire des visioconférences, voilà, donner ses magasiner, commander des choses. Exactement, et qu'à la fin de la journée, on ferme l'ordinateur, puis on va prendre une marche dans son quartier. La question est la suivante, quel est l'espace public, puis quel est l'espace privé? C'est comme s'il y avait une sorte de renversement. Et mon idée, c'était de dire, sans être nostalgique d'une époque où les choses étaient différentes, où la ville avait d'autres qualités. Je me dis peut-être ce à quoi on devrait penser désormais, c'est penser à des villes qui vont recevoir, qui vont proposer en réalité une expérience qui serait un peu l'inverse de ce qu'on propose en ligne. Comme complémentaire à notre méta-univers et notre vie numérique. Et vous avez demandé, c'est fort intéressant, c'est aussi le point de départ de votre essai, à vos étudiants en urbanisme, leur vision, en fait, d'une ville utopique. Là, ils pouvaient rêver à n'importe quoi. Et vous vous attendiez à ce qu'ils parlent de ville connectée, de ville intelligente, de ville où l'intelligence artificielle aurait ses lettres de noblesse. Et non? C'était un désir de réhumaniser la ville. Exactement. C'est totalement l'inverse. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai redonné ce cours à l'automne. Là, j'ai dû changer mon examen final parce que finalement, ils savaient ce à quoi... Le mot s'était passé. Certains avaient lu le livre, donc je ne pouvais plus poser la question de la même façon. Exactement. Ce qui m'a épaté, c'est que ce désir de connexion humaine, cette envie de discuter, d'échanger sur des sujets sans être enregistré, et sans que sa propre personnalité repose dans la balance à chaque fois qu'on se positionne sur un sujet ou sur un autre, s'exprime d'une certaine façon. Et c'est chez des plus jeunes que j'ai vus, finalement, j'ai accueilli beaucoup depuis l'apparition du livre, beaucoup de commentaires de jeunes qui font ces activités-là désormais, font des soirées où ils lancent le téléphone dans un sac à l'entrée, ont envie finalement de déconnecter. De déconnecter. Comme on voit de, beaucoup de en Europe, là, les fameux offline clubs, on a fait l'exercice ici. Mm-hmm. Il n'en existe pas encore, mais c'est une tendance qui est grandissante en Europe. Là, le fait de laisser mm-hmm. son cellulaire à l'entrée dans une petite boîte là, fermée à clé et on vit un moment de déconnexion avec des humains. Ouais, je sais que ça existe dans certains raves. Certains cafés ont des heures ou des zones réservées sans téléphone. Puis à nouveau, l'idée, c'est pas d'être... C'est pas d'être nostalgique. C'est pas de rejeter ça. Là. Non, c'est pas de rejeter ça. On rejette pas la connectivité, non. C'est exact, mais c'est d'entrecouper sa vie d'autres choses, au fond, pour nous sortir un peu de cette espèce d'impression-là qu'on doit d'être happé sans arrêt par des nouvelles qui nous tombent sur la tête, qui font en sorte, par ailleurs, que ce qui était l'actualité il y a 3 semaines, les feux à Los Angeles, déjà, on n'en parle plus. C'est toujours comme ça. C'est comme une espèce de machine qui nous invite à nous mobiliser sans arrêt. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète en réalité. Il y a de l'obsolescence programmée, même dans ce qu'on consomme comme information puis ce qui se passe dans nos vies numériques. Tout à fait. Vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Puis mon idée aussi, c'était de dire, ça m'étonne qu'on désormais, bon, l'optimisme pour le numérique s'étiole un peu, et pas de manière réactionnaire, mais juste parce qu'on voit bien ce que ça peut créer. Et étonnamment, à chaque fois qu'on essaie de penser à des solutions, ou comme en ce moment, les gens qui veulent quitter, par exemple, Instagram ou Facebook, le pensent toujours en termes de solutions technologiques. Donc, une technologie pour remplacer une autre technologie. On s'en va sur quelle plateforme? Exact. Hein, parce qu'on le voit en ce moment. Là. Il y a exact. Comme une mouvance de boycott de Meta, par exemple. Et là, on exact. Se demande, on s'en va où? Pas, on va déconnecter, on ne sera plus là. Quelle est la plateforme qui va la remplacer? Vous avez tout à fait raison. Ce qui vous fait dire, on a numérisé nos milieux de vie et nos vies. C'est très mm-hmm. juste, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée du iPhone, là, en 2007, des mm-hmm. téléphones intelligents dans nos villes? Bien, fondamentalement, je pense que la condition humaine a changé à la base. Le mot que j'utilise pour ça, c'est celui d'ubiquité. L'ubiquité, c'est la capacité d'être ici et ailleurs en même temps. Et donc, désormais, on est ici, mais on est... Vous et moi, on est connectés sur d'autres choses qui pourraient se passer dans un ailleurs en tout temps. Et ce qui change fondamentalement en ce qui concerne les villes, c'est notre expérience de l'espace public, parce qu'on est donc désormais ensemble, mais jamais tout à fait ensemble en réalité. Ensemble, mais nulle part et partout en même temps. Exact. Donc, connectés sur un ailleurs, dans des bulles numériques, puis tout mm-hmm. ça. Puis, bon, on le voit bien dans le métro, par exemple, que tout le monde est ailleurs. Je fais la même chose, par ailleurs. Là, je ne suis pas du tout au-dessus de tout ça. Mais c'est quand même étonnant de dire que, je le vois dans mes classes aussi, hein, quand on arrive à la pause, comment beaucoup d'étudiants et étudiantes restent sur place, prennent leur téléphone, ne vont pas juste prendre un café. Juste à la pause ou pendant votre cours aussi? Alors là, j'ai interdit pendant quelques semaines téléphone, les ordinateurs. Ça fonctionne quand même bien, mais c'est un peu compliqué comme expérience, mais j'ai l'intention de le faire de plus en plus. Et la réponse est généralement bonne, parce que si on a un projet de vie dans lequel on fait des études, ça me semble intéressant pendant quelques heures de s'asseoir dans une place puis de ne pas être sans arrêt happé par autre chose qui se passe mm-hmm. ailleurs. Parce à l'époque, on dessinait, hein? Je ne sais pas pour vous, oui, mais oui, moi, je dessinais dans la marge. À un moment donné, je partais quelques minutes puis je revenais. Et voyez-vous, ça a développé l'activité autrement. Des façons concrètes de contrebalancer, justement, nos vies numériques dans une ville. Mm-hmm. Vous parlez d'espace public, entre autres. C'est ça la solution? Ça passe par quoi? Ben, c'est-à-dire que l'espace public, c'est quand même là où on est en commun, où on est en contact avec l'autre. Donc, ça me semble être la base. Et j'ai l'impression que ce qu'on peut aller chercher dans l'espace public, c'est non pas seulement le fait d'être ensemble puis de rencontrer des inconnus, peut-être, mais ça peut aussi être le fait d'être seul, d'être intime, d'être à l'écart un peu, d'utiliser davantage l'espace public comme l'extension du domaine résidentiel. Donc, ce qu'on a vu notamment dans les dernières années, là, l'idée d'inviter des gens à une fête dans un parc, c'est le type d'appropriation qu'on voit beaucoup. Par exemple, au parc Angrignon, on voit beaucoup de grandes familles immigrantes qui s'installent des fois toute la journée pour faire un barbecue et qui occupent vraiment un espace pendant des heures. Ce type d'appropriation-là, moi, je trouve que c'est un peu la clé pour occuper à nouveau la ville, la dynamiser. On voit ça dans des petits parcs de quartier, sur le Mont-Royal aussi, c'est très fréquent. Investir donc les espaces publics pour passer du temps ensemble. Ensemble. Ça se fait quand même depuis un certain temps. Donc, c'est juste de revenir à ça, de penser à le faire ou... Alors, ce que j'ai proposé dans le livre, c'est qu'il y a des choses qui existent déjà, d'autres choses qui méritent d'être réactivées. L'institution du café, par exemple, elle a changé fondamentalement depuis que c'est devenu des tombeaux internautes silencieux où tout le monde travaille dans son coin. à nouveau, je fais la même chose, mais avoir dans son quartier ou près de chez soi des lieux où désormais on peut rencontrer des gens qui sont plutôt des connaissances, donc pas des proches, hein, ce qu'on appelle des fois des tiers-lieux. Hein, c'est des choses qui ont disparu avec le temps, tandis que jadis, on avait des syndicats, des cercles des fermières, des toutes sortes de possibilités entre le travail et la maison d'être en contact avec des gens de son quartier, par exemple. Alors aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Hein, il n'y a pas ces lieux-là. Donc, je pense que ça serait intéressant de les faire renaître sous des formes un peu différentes. On voit des expériences qui apparaissent déjà depuis quelques années. Vous parlez du placemaking, entre autres, avec un exemple d'Angelaga Maisonneuve. Oui, alors, l'exemple que j'ai donné dans le livre est dans un entre-deux en ce moment, mais on voit, c'est ça, réapparaître des lieux qui sont où il y a une programmation culturelle, où on voit des citoyens s'impliquer, notamment, des lieux qui peuvent être transformés aussi avec le temps. Donc, placemaking, on pourrait traduire ça par quoi? Organisation de l'espace? Oui, c'est un drôle de néologisme. Un peu mal. C'est un processus par lequel qui s'oppose à l'idée de créer des espaces publics où toutes les fonctions sont déterminées, qui sont créées pour jamais, donc sans aucune activité, sans rien. On est plutôt dans le modèle très ancien, au fond, des places publiques italiennes, notamment, où il y a plein d'activités, il y a des kiosques à journaux, il y a des cafés. Le soir, les gens se lèvent et dansent dans la rue. On voit ça en Grèce aussi, on voit ça au Portugal. Oui. Et comme, c'est ça? Oui, une vraie... Exact. C'est mettre un mot sur des processus qui sont très anciens, mais qui pourraient intentionnellement être lancés davantage aujourd'hui, à mon sens. Je pense qu'il y a une soif de ça. Il y a une soif de ça. Et d'ailleurs, je vous cite là-dessus en terminant, je me demande si on ne va pas assister à une sorte de ras-le-bol numérique, donc un contrebalancier. Et ça, ce sera l'objet probablement d'une autre entrevue. Parce que un mot, vous dites? J'ai suggéré même un exode numérique plutôt que l'exode rural du 19e siècle. Peut-être qu'il y a ça qui s'en vient, qui n'est pas au bout de nos nez. Vous aurez été avant-gardiste et précurseur. Merci beaucoup, Guillaume Métier, de votre passage au genre humain. Très intéressant de vous recevoir. Guillaume Métier est sociologue et professeur en théorie de la ville au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal. Au genre humain, la parole est à vous. On aime vous lire, vous entendre. Écrivez-nous à l'adresse suivante, moniquenéron@radio-canada.ca. On va se le dire, c'est un bonheur de le retrouver. La dernière fois, je pense que c'était au Salon du livre, oui. Sauf erreur. M. Gilles, salut. Coucou. Re-bienvenue au genre humain. Je suis tellement contente de t'avoir avec nous pour ce sujet de la plus haute importance. On vit dans une ère numérique. On est connectés. On a tous les deux un métier qui exige une certaine présence sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas. C'est même écrit dans nos contrats. On doit participer à ça, à l'univers numérique. On appelle ça de la découvrabilité aussi, souvent dans des projets complémentaires à nos émissions. On va nous demander de s'investir beaucoup sur le web. C'est quoi ton rapport actuel aux réseaux sociaux? Parce que toi, tu as connu les deux. Tu as connu l'avant puis le maintenant. Le pendant et bientôt l'après. Parce que si vous voulez tester, surtout chez les plus jeunes, ceux qui ont des enfants, vous le savez, vous manquez d'électricité, c'est pas ça la panique. Là. C'est il n'y a plus de Wi-Fi. On irait-tu dans tel chalet? Je peux pas, il n'y a pas de Wi-Fi. Enlever l'écran à quelqu'un, il devient fou. Et c'est ce qui m'intéresse chez l'être humain. On juge souvent nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui étaient omnubilés par la religion. Puis on dit, comment ça se fait? Donc, je pense aux familles d'il y a 50 ans, ça fait pas si longtemps que ça, les familles de 10, 15 personne. Comment ça se fait que la société imposait aux femmes d'avoir 15 enfants? Comment ça se fait que les gens écoutaient un curé qui leur disait, ben au moins dans ce temps-là, ils savaient une chose, c'est que c'était la religion qui contrôlait leur vie. Aujourd'hui, c'est votre écran qui contrôle votre vie. Et les personnes qui contrôlent cette machine-là, ben là, sont en contrôle du monde en ce moment, parce que regardez qui a été invité à l'investiture de Trump. Oui, surprenamment. Oui, c'est sûr que là, on voit un peu les ramifications qui s'installent, là, et oui. C'est le gars qui construit la machine, c'est le gars qui utilise les données qui sont dans la machine. Et je me suis aperçu qu'on a un drôle de rapport parce que c'est très jeune. Donc oui, c'est une religion, mais c'est une jeune religion. Et ce qui est intéressant quand vous parlez à n'importe qui, c'est que quand vous leur parlez en termes d'utilisateurs, ils pensent complètement différemment en termes de producteurs de contenu. Et je m'explique, et ça c'est vraiment curieux. Par exemple, il se passe quelque chose. Là. Et là, la majorité des jeunes, des gens, et vous sans doute, là, mon Dieu, j'ai pas encore donné mon opinion là-dessus. Faut absolument que j'en parle. Alors qu'on va se dire la vérité, il y a personne en ce moment chez lui qui attend que vous ou moi, on écrive notre opinion sur Internet pour se refaire une. Qu'est-ce que M. Gilles pense de telle affaire? Ouais. Et ça, on sait en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que quand on... Est-ce qu'on attend en ce moment? J'attends, là, peu importe qui. J'attends que Céline Galipeau aille sur Facebook me dire qu'est-ce qu'elle pense de Donald Trump avant... Non, si elle écrit quelque chose d'intéressant, oui, on va le lire. Donc, c'est bizarre, même ce qui nous tombe sur les nerfs des autres, nous, on le fait. Est-ce que j'ai quelque chose... Je me suis posé aussi plusieurs questions. Est-ce que j'ai déjà appris quelque chose avec des stories Instagram? Non. Ça ne m'est jamais arrivé. Et là, il y a toujours quelqu'un qui dit « Oh oui, je me rappelle une fois! » Oui, oui, mais ça dépend qui tu suis, le rasé, dans le sens où, ben oui, parce que si tu suis des gens qui publient du contenu constructif, il y en a plein, on apprend des choses. Mais avec le produit que c'est, c'est-à-dire que si c'est sur TikTok, ou même des gens qui font du très bon travail, comme Rad ici à Radio-Canada, même sur TikTok et sur Instagram, ils sont obligés de se plier à ce qu'est TikTok. Donc, le propos est résumé de chez résumé. Là. Et regardez votre utilisation, autant sur Tinder, lorsque vous choisissez un ou une conjointe potentielle, 3 secondes, 4 secondes, votre contenu est sauce. Ah, un écureuil, 2 secondes. Ah, politique intéressante, internationale, 4 secondes. Et la seule façon que vous pouvez vous tester, c'est de vous désintoxiquer. Essayez d'enlever cette machine-là. Toi, tu l'as fait par ton propre gré. Moi, je l'ai fait de force parce que je suis tombé malade et je me suis rendu à l'hôpital. Et à l'hôpital, on saisit ta machine. Donc, j'avais plus de machine. Et les premières journées, c'était beaucoup... Justement, sa première réflexion, je ne serai plus là, qu'est-ce que les gens vont dire? Je ne donne plus mon opinion, que se passe-t-il? Je suis en déconnexion avec la réalité. C'est comme ça, c'est important ce que tu dis là. Ouais. Quand tu es hospitalisé et tu penses à ça, tu penses à ton absence de l'univers numérique. La première journée, la deuxième journée. Donc, on existe encore plus dans l'univers numérique que... Et dans mon cas, c'est dans le travail psychiatrique et psychologique qui m'a guéri... Mais cette machine-là faisait partie de ça. Parce que je ne suis pas ce qui est là-dessus et je ne suis pas non plus ce que les gens pensent de moi là-dessus. Donc, ce rapport avec l'ego-là, quand vous allez sur ces machines-là, quel est l'objectif de ça? Peu importe sur quel médium vous êtes, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que les gens vont me trouver intelligent? Est-ce qu'ils vont me trouver beau? Est-ce qu'ils vont me trouver intéressant? Que ce soit au rapport à l'image, au rapport au contenu. Là. Et dans le travail psychologique, chez la psy que je remercie qui m'a dit ça, elle dit, est-ce que tu as pensé au fait que qu'est-ce que ça peut bien faire? Et après ma sortie de l'hôpital, j'ai été 2 mois pas sur Internet. Donc, j'ai été 3 mois absent des réseaux. Et quand je suis revenu... 3 mois complètement. Complètement. OK. Est-ce que quelqu'un s'en est aperçu? Non. Est-ce que c'est grave que des personnes m'aiment là-dessus? Non. Est-ce que c'est grave que des personnes m'aiment? Pas. Non. Je fais tout le monde en part. Si vous voulez un travail au Québec, là, il y a 3 jobs au Québec. Premier ministre, il y a entraîneur du Canadien de Montréal... Et fou du roi, tout le monde en parle. Si vous voulez que le monde vous haïsse, une maudite belle job. Donc, est-ce que tu les lis, les commentaires? Tu étais là dimanche dernier. Ouais. Là. Est-ce qu'après, tu vas voir ce qui s'écrit? Avant, je le faisais. Mais là, je ne le fais plus. Qu'est-ce que ça me donne de vivre ça? Déjà, quelqu'un qui m'aime ira. Il faut qu'il fasse un mot sur de détour. Il faut qu'il aille faire un tour sur Facebook, sur la page de tout le monde en parle pour écrire j'aime ou j'aime pas. Déjà, c'est bizarre. 2, est-ce que moi, j'ai déjà. Par exemple, ton émission, on l'écoute en ce moment. Monique Néron, j'ai une opinion sur toi. Je m'en vais sur Facebook, sur le site de ton émission, et j'écris que je t'aime ou que je t'aime pas. Monique Néron, moi, je trouve que... J'ai jamais fait ça de ma vie. Et vous nous écoutez, là, je suis sûr que vous êtes une vaste majorité à avoir jamais fait ça. Qui sont ces gens qui prennent le temps d'aller sur Facebook pour trouver mes cheveux lettres? Ah, puis c'est parce que c'est ça l'affaire. Bien, on a eu cette discussion-là avant les fêtes avec Guylaine Tremblay. Entre autres, elle n'a jamais eu autant de messages négatifs, et voire haineux, là, quasiment, par rapport à son apparence, à ses cheveux naturels. Oui, les gens sont prêts à commenter le physique des gens, beaucoup. Et, ça, c'est quelque chose, c'est une autre réflexion. Là, mais, et là, ouvrez pas Reddit. Là. Vous voulez du potin, là, mais du potin absurde. Au moins 3 choses sur 4 est entièrement fausse. Là. C'est complètement ridicule. Moi, je voulais pas y aller. Un de mes amis dit, oh, on va aller voir, je vais aller voir pour toi. J'ai dit, arrête. Écoute, j'ai été gay, plus gay avec quelqu'un, plus avec cette personne-là. C'est pas vrai. On ça est dans la rumeur totale, c'est là, dans le n'importe quoi. Là. Ça n'existe pas. As-tu changé ta... J'ai compris qu'il y avait eu une évolution dans le type de contenu que tu publies. Ouais. Tu publies plus comme avant. Non. Déjà, moi, je mettais pas beaucoup de moi. Personnellement, je mets ce qui pourrait... Ce que si on se croise dans la vie, je pourrais te raconter. Il m'est arrivé ça tout à l'heure. Puis pas vraiment ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus social. Souvent, je suis dans un événement, est-ce que je peux mettre ta photo dans le même... Oui, ma photo est dans le même événement. Mais vous remarquez que moi, il n'y a pas ma face, mon linge. Ça ne m'intéresse pas. Si je suis dans un événement caritatif, je vais parler de l'événement caritatif. Du bingo de Douglas. Je sais que vous allez parler du bingo dans les prochaines semaines. Mais je vais parler du bingo parce qu'on ramasse de l'argent pour la santé mentale. Mais moi, au bingo... Je trouve pas ça intéressant. Malgré tout, je sais que le peu de fois où j'ai mis ma face, j'ai plus de clics, j'ai plus de likes. T'as compris les codes. Qu'un coucher de soleil. Oui. Mais ça m'est... Mais sauf que est-ce que je veux embarquer là-dedans? Non. Donc, mon utilisation est là. Quand je veux partager quelque chose d'intéressant, des fois, je suis deux semaines avec rien d'intéressant. Des fois, j'ai trois bonnes idées. Mais là, encore là, il faut que tu te déprogrammes à le like. Parfois, tu as une idée de génie, quelque chose d'intelligent, ça ne marche pas. Et à l'inverse, je parle en like, et à l'inverse, quelque chose de complètement futile et d'absurde, je sais, j'ai eu un chien sous 6. À l'époque, je mettais mon chien sous 6. Peu importe ce que je fais. Ça fonctionne. Moi. Ouais, ouais. Est-ce que ça va perdurer dans le temps et dans le contenu, mon chien sous 6? Non, c'est absolument pas intéressant. Donc, il faut. Mais encore une fois, je vais te dire, tu vois, je connecte avec ce que j'ai dit au début. Quand on pense en utilisateur, on le sait qu'il y a quelqu'un qui met un chien sous 6 sur Internet, même s'il y a 28 000 likes. C'est... On a juste à penser aux vidéos de chats, là. Hein? C'est niaiseux, c'est on ça. Le sait. Mais quand nous, on le fait, on oublie que c'est niaiseux et on se dit, regarde, j'ai eu 28 000 likes sur mon chat. Et qu'est-ce que ça va changer dans mais votre vie? Mais ça dit quoi de nous, ça? L'égocentricité. Je trouve qu'on est sorti d'un groupe... T'sais, avant, au moins, je pense aux mouvements sociaux, je pense aux combats, je pense à vivre en société. Avant, on avait des objectifs communs, peu importe lesquels. La protection de la langue française, justement la défense des droits LGBTQ, etc. Mais aujourd'hui, c'est, les machines font que ce n'est plus l'intérêt social qui nous intéresse. C'est qu'on veut qu'une personne, que nous, mes problèmes à moi, mes intérêts sont là. Et je vais paraphraser là, les humoristes Ricky Gervais et Jeselnik et autres qui ont tout à fait raison. Il arrive un drame, par exemple, vous remarquerez, où une vedette décède. Au lieu d'envoyer nos condoléances aux proches, c'est pas ça que les gens font. Les gens, ils mettent une photo du décédé avec eux. Je le connaissais. C'était mon ami. Moi, j'ai de la peine. Pas l'entourage, pas cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a donné au Québec, au Canada. Non, moi. Où il arrive une tragédie, un acte terroriste quelque part. En anglais, ils disent « thoughts and prayers ». En français, « pensez pour ces pauvres gens ». Et c'est, là, je cite l'humoriste Jeselnik des États-Unis. Il y a un sketch complet là-dessus. Et c'est exactement ça. C'est, vous n'avez pas de peine pour l'événement qui est arrivé. Vous voulez montrer à tous vos proches et tout l'univers sur Internet. Regardez, j'existe moi aussi. Moi aussi j'ai quelque chose à dire par rapport à ce qui est en train de se passer. Et j'ai de la peine sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Ça serait bien bizarre que vous ayez sur Internet pour dire, pas dénoncer Trump et ses dérives. Tout le monde dénonce Trump et ses dérives. Ce que vous voulez, vous dénoncez pas les dérives de Trump. C'est pas ça que vous faites. Vous dites, regardez, j'existe moi aussi. Et cet individualisme, cette individualité me tombe royalement sur les nerfs. Donc, je pense... Je ne vois pas du coup de quoi tu parles. Je pense que... Ça n'a pas l'air d'être énervé pantoute. Je pense qu'on est au début de cette technologie-là. Et je pense qu'avec le temps, on va apprendre à s'en servir, oui, mais collectivement et non pas pour notre petite individualité. En passant... À mieux s'en servir, donc. Et plus intelligemment, peut-être, plus collectivement. Et mais en passant, la machine que vous avez entre vos mains avec les algorithmes et tout, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour vous individualiser. Et pour rester le plus longtemps possible sur les applications. Notre invité tout à l'heure... Et vous vendre des armoires de cuisine. Oui, entre autres. Exact. Et penser comme les gens qui vous entourent déjà, sans ouverture. C'est ça. Hey, c'est une belle façon, un peu déprimante quand même, de terminer cette émission. Mais notre invité tantôt, le sociologue Guillaume Métier, disait qu'il pense qu'on va assister à une sorte de ras-le-bol numérique. Mm-hmm. Et qu'il devrait y avoir un certain retour du balancier. MCG, c'est toujours un immense privilège de te recevoir. À bientôt. Après le mois sans alcool, l'an prochain. Moi sans téléphone. Merci beaucoup. Il vient tout juste d'entrer en studio pour sa petite visite de courtoisie hebdomadaire. Salut, mm-hmm. Jean-Philippe Plot. Salut, Monique Néron. Toujours un bonheur de t'accueillir ce soir. Mm. Comment on compose avec la violence? Grande question. Oui, troisième épisode de 4 avec Alexis Martin. C'est un épisode donc dans lequel on va se demander, par exemple, si la violence est naturelle ou si elle est le produit de la société. On va aussi réfléchir à la représentation de la violence au cinéma, à la télé, au théâtre. Est-ce qu'elle est cathartique ou au contraire? Est-ce que ça fait qu'on a envie à notre tour d'être violent? Il sera aussi question de la pensée de la philosophe Catherine Malabou, qui propose d'opposer à la violence rien de moins que la douceur. Selon elle, la douceur est indestructible. Dans l'entrevue, on va recevoir la réalisatrice au cinéma, Sophie Dupuis. Jusqu'ici, c'est trois longs métrages, dont Chien de garde, qui est vraiment excellent. Sont un articulés. Grand film. Ah oui, absolument. Vraiment, autour de la violence. À voir alors, ou voilà. Revoir. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà. Merci, on sera au rendez-vous ce soir, 19h. À la semaine prochaine. Salut, Monique. Merci, Jean-Philippe Plot. C'est tout pour nous cette semaine. Merci à mon équipe, à la technique, Bruno Frigon-Lavoie, à la recherche, Noémie Desilets et Ariane Pelé, à la réalisation, Maude Véronique Cholette. La semaine prochaine, on va parler de dons de soi, de dons d'organes, entre autres. Et je vous invite à ne pas manquer le témoignage de notre collaborateur, Jocelyn Sioui, qui a accepté de se confier sur sa greffe de rein, un don de vie qui lui a été offert par nul autre que son père. Passez une excellente semaine. Ici Catherine Perrin, tout de suite après les informations, c'est Feu vert. Aujourd'hui, radio et changement climatique, c'est le thème cette année de la Journée mondiale de la radio. On vous a demandé vos questions sur les changements climatiques. On vous propose les réponses de deux spécialistes. À tout de suite. Tu veux t'informer toujours plus? Avec les contenus d'ici tout.tv. Le spectre est large. Nous sommes dans une nouvelle ère. Le statu quo n'est plus possible. Et ceux de Radio-Canada Audio. Est-ce que vous ne mélangez pas des concepts? Posons la question franchement. C'est clair et complet. C'est l'info qu'il te faut. Ici Alex Boissonneau. Chaque matin, on va à la rencontre des gens d'ici et on discute des sujets qui vous intéressent. On commence la journée ensemble dans la bonne humeur. Première heure avec Alex Boissonneau, en semaine dès 5h30, sur Ici Première et sur Radio-Canada Audio. Vous écoutez Ici Radio-Canada Première, au 106.3, à Québec. Du cœur aux idées. Bonjour, ici François Pouliot à Québec. Voici les informations. Malgré la popularité croissante des sports adaptés au Québec, les jeunes en situation de handicap demeurent confrontés à des obstacles pour pratiquer leur sport. Jérémy Camira. Depuis toujours, Émile Dubois est passionné de sport. Il est atteint toutefois de la dystrophie musculaire de Duchenne, qui limite sa capacité de mouvement, mais elle ne l'a pas empêché de pratiquer le sport qu'il aime, le soccer. Depuis 8 ans, Émile joue dans une ligue de soccer en fauteuil roulant à Lévis, mais les embûches sont nombreuses, dit-il, notamment pour le prix de l'équipement. 20 000 $ seulement pour un fauteuil roulant qui ferait toute la différence. Puis il est plus puissante aussi, puis elle fait plus basse, la chaise, fait que ça n'empêche de si on verse, parce que des fois on peut verser. Puis ça brise un peu les fauteuils électriques. Les enjeux liés à l'accessibilité dans les paradisciplines n'ont jamais été aussi grands, fait valoir un organisme. Et rien n'indique que la situation va changer rapidement, selon Anne-Renée Thibault, directrice générale de Parasport Québec. Il reste définitivement des défis importants. Puis, on sait de quoi l'économie a l'air présentement. T'sais. On ne s'attend pas à pouvoir avoir beaucoup plus d'argent pour... ou des subventions pour avoir directement accès à de l'équipement. Cela dit, il y a des raisons d'espérer, nous dit la directrice générale. Dans les 2 dernières années, les inscriptions dans les sports adaptés de la province ont grandement augmenté. Signe qu'il en faudra plus pour décourager les jeunes. Ici Jérémy Camiran, Radio-Canada, à Lévis. Des travaux d'urgence seront effectués à l'église du Très-Saint-Sacrement dans le but de rouvrir le bâtiment, fermé depuis 2019 puisqu'il était jugé dangereux. La firme Entremise a été désignée pour explorer les possibilités de développement de l'église et de son site. L'accompagnement, d'une durée de 2 ans, vise à définir des projets concrets et adaptés aux besoins de la communauté. Selon le membre du comité architecture d'espace communautaire Saint-Sacrement, Maxime Turgeon, ces étapes seront décisives pour la requalification de l'église. Il pourrait avoir de l'habitation, il pourrait avoir ça du commercial, du communautaire. Donc, c'est tout ça qui va être sur la table. Après, ça va être de trouver une façon, disons, intelligente d'amalgamer tout ça. Je pense qu'à terme, on voit le projet comme structurant pour le quartier. Donc, si on a un beau lieu, bel usage, ça va attirer des gens. Course à la chefferie du Parti libéral du Québec. 2 députées montréalaises, Brigitte Garceau et Élisabeth Prasse, annoncent leur appui à l'ex-ministre fédéral du Transport, Pablo Rodriguez. L'annonce s'est faite à Montréal, où le candidat a aussi été questionné sur la menace des tarifs américains. D'autant plus que ce contexte de tension avec les États-Unis a relancé cette semaine la discussion autour de la diversification des marchés d'exportation des hydrocarbures, entre autres avec le gazoduc GNL Québec, qui devait acheminer du gaz naturel jusqu'au terminal de liquéfaction de Saguenay. Voici Pablo Rodriguez. Ce qui est clair, c'est que le projet sous sa forme initiale, celui de 2014, c'est non. Ça veut dire, d'ailleurs, il a été refusé pour plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de dire oui à un projet qui n'existe pas ou non à un projet qui n'existe pas. Je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. On verra pour la suite, mais il faut définitivement qu'il y ait un BAP. Et il faut qu'il y ait aussi des retombées économiques soient considérées à plusieurs égards, notamment au niveau de l'impact local à travers toutes les régions visées. Mercredi, le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charrette, a rouvert la porte à une version bonifiée du projet de gazoduc de l'entreprise GNL Québec. En Amérique du Sud, environ 14 millions d'électeurs équatoriens se prononcent au premier tour de la présidentielle, un vote qui est obligatoire pour les 18 à 65 ans. Ils devront choisir qui, parmi les 16 candidats, sera en mesure de sortir le pays de la crise sécuritaire et économique dans laquelle il s'est enlisé au cours des dernières années. Oui. Voici Sébastien Logeni. C'était jadis un havre de paix en Amérique latine, mais depuis 5 ans, l'Équateur est tombé aux mains des cartels mexicains et colombiens qui exportent leur cocaïne depuis ses ports tournés vers le Pacifique. Des homicides multipliés par 6 depuis 2018, un meurtre par jour le mois dernier, des fusillades en pleine rue, un candidat à la présidentielle assassiné il y a 2 ans. Résultat, 220 000 habitants se sont exilés, près d'1% de la population. L'actuel président s'était engagé à mettre fin à cette criminalité galopante avec la politique dite de la super main de fer calquée sur le Salvador, état d'urgence dans plusieurs régions, l'armée déployée dans les rues, construction de méga-prisons. Mais le bilan de Daniel Noboa reste mitigé et c'est sans compter avec les dérives des forces de l'ordre accusées de torture ou de disparition forcée. Face à ce libéral descendant d'une famille richissime ayant fait fortune dans la banane, une femme, Luisa González, avocate issue de la gauche, mais donnée derrière dans les sondages, à 37 ans, Daniel Noboa devrait rester l'un des chefs d'État les plus jeunes au monde. C'était Sébastien Logeni. L'ex-sprinteur olympique Bruny Surin reçoit la médaille du couronnement du roi Charles III. Tout au long de sa carrière, en plus d'être champion olympique, Bruny Surin a porté plusieurs chapeaux, notamment ceux d'entrepreneur et de conférencier. L'été dernier, il a été chef de mission d'Équipe Canada aux Jeux olympiques de Paris. La médaille du couronnement du roi Charles III honore des citoyens canadiens qui ont eu une contribution significative auprès de leur communauté ou à l'étranger. C'était François Pouliot. Il fait actuellement moins 6 degrés sur la rue Saint-Jean à Québec. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada. Les changements climatiques, ça a un impact sur tout. La crise climatique, c'est ici, maintenant. Et par où on commence? Par quoi on commence? Il faut prendre tous les outils. Ça insuffle un nouvel élan. Vous écoutez Feu vert avec Catherine Perrin sur ICI Radio-Canada, première.